You cool, I got Latins. To play Latins. I don't like Latins. Do you use a Z drummer? I like this drum. I'm looking for the drums pattern, drum pattern, like your drum pattern. I use a Z drummer, but I don't like. Wait, look. Ah, yes, okay, I know this guitar rig. You use guitar rig to play bass? Sometimes my sound card crash and I must reactualize the latency. Okay. Yes, Reaper crash. And I must okay, I like your. Could you restart your drum riff? Okay, I try a song, okay? Thank you. Looking for lyric. Just a minute. If you want, I stop play bass. I'm looking for lyric, okay? If you want to play bass, I stop play bass. Merde, Putain, tu cherches des paroles. Surveiller les images, contrôler les radios. Nous allons les prendre pour des idiots. Qu'ils se comportent comme des moutons. Non, c'est là, on ira pas. Je I'm looking for. Même si la vie ne tenait qu'à ça, je pourrais, mon ami, m'en tenir à ça. Ne tenez qu'à ça, je ne pourrais, mon ami, m'en tenir à ça. Ah putain, j'arrive pas à ce moment-là. Ou play reggae riff, reggae bass riff, please. La résistance est organisée de tous les meilleurs éléments. Elle a su s'entourer, cette fois c'est clair, le mouvement est lancé, constitué de tous ceux qui veulent la faire avancer. Oh. Oui, yes, I like français, Stratocaster, Stratocaster, nice. Nice, nice. Play, play. You could play reggae still? How's daddy? Thank you. c'est bon ça comme ça. La résistance est organisée, tous les meilleurs éléments. Elle se sent heureuse, cette fois c'est clair. Le mouvement est lancé, constitue elle tout ce qui peut la faire avancer. Il a fallu s'allier, mais la violence et la haine dirigent la race humaine contre sa destinée. Celui qui nous fera plier. celui qui nous fera plier. Il n'est pas né, non, celui qui nous fera tomber. Il n'est pas né, celui qui nous fera tomber. Guitare. Du pouvoir. Depuis la nuit des temps, il veut toujours le pouvoir. Il n'est pas né, celui qui nous fera plier. Il n'est pas né, celui qui nous fera plier. Non, il n'est pas né, celui qui nous fera tomber. Il n'est pas né, celui qui nous fera tomber. C'est pourquoi nous t'invitons à rejoindre notre mouvement. Résistance pour aller de l'avant. Résistance, tel est le nom de ce mouvement. Il n'est pas né, celui qui nous fera plier. Il n'est pas né, celui qui nous fera plier. Non, il n'est pas né, celui qui nous fera tomber. Il n'est pas né, celui qui nous fera plier. Celui qui nous fera plier. Il n'est pas né, celui qui nous fera tomber. Il n'est pas né. Est-ce que vous résistez? Même si c'est pas facile. Résistance. Big up à Danakil. Que j'ai piqué le texte. Si vous aimez le reggae, il faut aller écouter Danakil. Il n'est pas né celui qui nous fera plier. Il n'est pas né, non celui qui nous fera tomber. Alors restez debout, ne vous laissez pas influencer. Gardez la foi, votre intégrité. Et si Dieu le veut, un jour on pourra tout changer. Les hommes ont pourri la terre, et ça, ça me fait chier. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part prier? Jah Rastafari. Ok, les musiciens s'appellent comment? À la Strato. Son pseudo c'est Stratocaster. Je sais pas comment il s'appelle. What's your name? Mr. Stratocaster. Ok, Mr. and Mrs. à la guitare, his name is Nick. The drum, Mr. Horse Daddy, Horser Daddy, and play bass, huh? Two bass in one song. And Mr. Close, Mr. Close who play. Mr. Close. Okay, you know this. This lyric is Danaki lyric. It's a big Danaki. Thank you, Danaki. Il n'est pas né celui qui nous fera plier. Il n'est pas né celui qui nous fera tomber. It's good, the gloss. I download the MP3 to listen to in Facebook to my friend. This morning in France, I live in France. This is the morning here. There's a lot of bass player. Moscow, okay. It's nice to play with the world player, world musician. I like Ninja Ninbot. It's a great, great idea. It's wonderful to play with every musician in the world. Do you play in a band? Everybody? The Smiths. Okay, you want to play? You want I play drum? If you want. Là, c'est fort là. Looking. Synchronise. Putain, c'est fort. BPM 130. 130 is good. 130. Synchronize. I try to synchronize. C'est dur à synchroniser, hein. It's okay, synchro. Stop bass. Adjusting. Give me the good riff. Stratocaster. Ok, Stratocaster play. The bass. Stratocaster. Other Daily. You play bass? Okay. I'm gonna run my face. Girls rail my song. I'm gonna fake my body. Gonna press my low. It's getting heavy, but I'm ready to take a visual on what's staying. So come on, bring it on. So come on, bring it on. Give me a bassoon, please. Okay. We'll be right back. guitare. And Benjamin Nuri, bass and vocal. Thank you everybody. The last. Thank you, see you later.